cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tfaddal, iqra. Qala al-imam al-hafiz, abd al-ghani al-maqdisi, rahmahullah ta'ala, kitab al-siyam, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأكلوا وإن هم عليكم فاكلوا له. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور صدقة فإن في السحور بركة. عن أنس بن مالك أحسن شكفي. من يذكر التعريف الذي ذكرناه تعريف الإمام القرطبي رحمة الله عليه أو تعريف غيره تفضل. سجن مخصوص، سجن مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص من شخص مخصوص. أحسنت. هذا تعريف الإمام النووي رحمه الله أو كذلك الإمام الحافظ ابن حجر، وتعريف الإمام القرطبي عند من؟ تفضل. أحسنت. هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام شرعا. ماذا تستفيد من قوله رحمه الله هو الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية؟ تستفيد ماذا؟ من أمسك، أي celui qui s'abstient de manger, de boire et autres، لكن c'est pas لله عز وجل، فلا يقبل منه ولا أجر له، il a aucune récompense، ولا يقبل منه، فلا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. ذكرنا كذلك شيء من الفضائل، من يذكر؟ نعم، تكفير الذنوب. كذلك الصوم جنة. ما معنى الصوم جنة؟ نعم، وقاية من العذاب، ستار بينه وبين عذاب الله عز وجل يوم القيامة. دونك الصيام سي ان كوز بور اتر بريزيرفي دو شاتيمون. كذلك تفضل. نعم، أنه سبب عظيم لدخول الجنة، وفضائل كثيرة مرت معنا باختصار. ومن حكم الصيام ذكر بعضها المؤلف حفظه الله تعالى، أي parmi les sagesses de jeûner، تصفية للنفوس ويضيق على الشيطان أي على نفسه، فيبتعد من الشهوات ومن المحرمات بإذن الله جل وعلا. وتخشز من الحكم، من حكمة عظيمة، الصائم يشعر بالعطش والجوع فيتذكر حال المساكين. Il se rappelle l'état de certains musulmans qui n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de quoi boire, ربما des choses insuffisantes في هذا الباب، et ils sont في ضيق. Le musulman, il se rappelle de cela. Et inshallah, ça va le pousser à être reconnaissant أولاً لأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه، et كذلك ça va le pousser à aider ses frères musulmans qui sont dans le besoin. هذا تقدم معنا في الدرس الماضي. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ويبتدئ وجوب الصوم اليوم بطلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس. السيت هنا مسألة importante، et c'est وقت الإمساك. que l'ulama cite fi ta'rif min tulu' al-fajr ay al-thani ila ghurub al-shams. Fa ça commence au fajr al-thani, il appelle كذلك al-fajr al-sadiq, jusqu'au coucher du soleil al-ghurub. قال الله تعالى فالآن باشروهن يعني الزوجات وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ففي هذه الآية الله سبحانه وتعالى ذكر وقت الإمساك، الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أن يتضح بياض النهار من سواد الليل. هذه المسألة واضحة، فالعبرة بطلوع الفجر وبغروب الشمس. وتستفيد من هذا أن المؤذن لو قدم أو أخر عن الوقت الشرعي فلا عبرة بالآذان في هذا الحال. Si l'adhan il est pas à l'heure, فمثلا المؤذن في الأذان bien avant le fajr, ففي هذا الحال يجوز de manger de boire jusqu'à l'heure du fajr. لأن العبرة c'est بالوقت، c'est pas بالمؤذن s'il respecte pas l'heure. فلهذا قال عز وجل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم. C'est ça الضابط. أما si un مؤذن il avance l'heure. كذلك المغرب يغتعب. فمثلا si on dit أن المغرب c'est à 19h et هو يفعل الأذان à 19h15، فتال droit de manger et de boire à partir de 19h même si tu n'as pas entendu l'أذان، même s'il n'a pas fait l'أذان. لماذا؟ لأن الله جل وعلا في هذه الآية il a démontré وقت الإمساك. C'est un temps déterminé. Si ce temps il est arrivé مثلا وقت المغرب غروب الشمس فتال droit de manger. لأن الله سبحانه وتعالى أحل ذلك، الله nous l'a rendu permis. Si un مؤذن il respecte pas l'heure ففي هذا الحال il est conseillé، et s'il écoute pas لا شك أن المسلم يجوز له الأكل والشرب في هذا الحال. يعني الصيام سين جوغي ديترميني. أما واحد يغتعد أو يلافانس هذا يكمن مخالفة، في هذا الحال بيان سور يدوى تتر كونسي. إن تتعيغ هذا بإذن الله عز وجل بما يتعلق بالسحور والإفطار. سي دو بوان أون لي ديتايغا أكثر دون لي بخوشان دروس. قال إن شاء الله ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله. Après avoir cité la limite de alors le temps qu'on doit s'abstenir de manger et boire من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، il passe à une autre masala وهي مهمة كذلك، c'est quand que le siyam devient obligatoire، أي le début du mois de Ramadan. قال وللعلم بدخوله ثلاث طرق. Pour savoir si le mois de Ramadan il a débuté, il a commencé, il y a trois façons. قال الطريقة الأولى رؤية هلاله. الهلال c'est la lune. Le croissant de lune. Enfin, la première طريقة, la première méthode pour savoir est-ce que le mois de Ramadan il a commencé, رؤية الهلال. Est-ce que le croissant de lune il a été vu ام لا. قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالآية واضحة أن celui qui a vu الشهر et هنا c'est بمعنى الهلال، الهلال رمضان أي le croissant de lune de Ramadan، فليصمه هذا il doit jeûner، il doit faire الصيام. لماذا؟ لأن وقت الإمساك il a débuté. صوم رمضان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى أي صيامه. Si واحد il a vu le croissant de lune، donc le mois de Ramadan il a débuté. Le croissant de lune tu vas le voir la nuit، la veille. Enfin le lendemain à partir du fajr، قال عز وجل فليصمه. Donc avoir vu الهلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم. فالسلبي كي أفو الهلال فيجب عليه أن يصوم. Il doit jeûner. Celui qui n'a pas vu, ça y est, معنا. Est-ce qu'il doit suivre Amla? Inch'Allah. قال الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية. Le premier cas, il a vu lui-même الهلال, ce muslim. Donc, il fait le siyam. الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية. Un muslim est témoin أنه il a vu الهلال. أو الإخبار عنها فيصام برؤية عدل مكلف ويكفي إخباره بذلك. Bien sûr, il faut que ça soit un muslim, un adl et mukallaf. Aïe, un adulte, il a atteint l'âge de la puberté, il est aqil, il n'est pas connu pour al-fisq ou al-kadhib. Adl, un muslim, et c'est une personne de confiance et il témoigne avoir vu al-hilal. Il informe avoir vu le croissant de lune. C'est la deuxième méthode pour savoir est-ce que le mois de Ramadan il a débuté Amla. Donc la première, tu as vu toi-même, et la deuxième, tu es informé par un autre. قال لقول ابن عمر رضي الله عنهما ترى الناس الهلال ترى الناس الهلال أي كانوا يبحثون عن الهلال وهذا إلى يومنا هذا ولله الحمد وكثير من المسلمين يسعى على هذا أنهم juste avant Ramadan يوم الشك la nuit du doute on ne sait pas est-ce que ça va être le lendemain Ramadan ام لا فالحمد لله المسلمون يغشش الهلال فلهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما ترى الناس الهلال أي غشش الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم صام إلى جنة إلى أغدني كل موت de jeûner. Ça montre le témoignage d'un musulman adl, mukallaf, il est accepté. والصحيح أنه يكفي شاهد واحد. الصحيح من أقوال أهل العلم أن un témoignage, un musulman, ça suffit. Les autres mois, il faut deux. لكن pour دخول رمضان واحد, ça suffit. أما شوال فلا بد من اثنين. Et la fin du Ramadan. Et à notre époque, avec Walillahi Alhamd, Doual, des pays qui s'occupent de cela, avec les appareils qu'ils ont l'an, Alhamdulillah, quand le Hilal il est vu par beaucoup de monde. At-tariqatu al-thalitha, troisième méthode, pour savoir est-ce que le mois de Ramadan il a débuté, amla, ikmalu iddati shahri sha'ban 30 yawman, wa dhalika hinama la yura al-hilal. ليلة الثلاثين من شعبان مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قطر أو مع وجود شيء من ذلك. Troisième méthode, أن le mois de شعبان il est fini. Automatiquement le lendemain ça sera Ramadan. لأن هذه الأشهر لا تزيد على 30 يوم. Les mois lunaires, ça ne dépasse pas 30 jours. Imma 29, imma 30. Enfin, si on est au mois de Sha'ban, enfin, le 29, le lendemain, ça sera le 30. Le 30, c'est le jour du doute. Il y en a certains mois, c'est 29, certains mois, c'est 30. Enfin, on peut être le 29 de Sha'ban, et la nuit, ça sera, à partir du Maghreb, ça sera le début de Ramadan. La nuit, elle est avant le jour. Enfin, la première nuit de Ramadan, ça sera après le Maghrib, et le lendemain au Fajr, ça sera le premier jour de Ramadan. Hada, ça arrive. Si on a vu le Hilal, la journée du 29, la nuit après le Maghrib, Wahed, il a vu le Hilal, ça veut dire qu'on est rentré fi shahr Ramadan. Imma, toi-même tu l'as vu, imma, un muslim, il informe. Les deux premières méthodes qu'on a vues ensemble. Al-An, si Wahed, il l'a vu, à partir du 29, ça sera la première nuit de Ramadan. Fi hadha al-hal, walillahi alhamd, Ramadan il a débuté. Waqiya, si personne a vu le hilal, imma à cause du mauvais temps ou une autre cause. Fi hadha al-hal, Le lendemain, ça sera le 30. Léana, on ne jeûne pas tant qu'on n'a pas vu. Thumma, quand la journée du 30 elle est passée, forcément la nuit qui suivra, ça sera le premier jour de Ramadan. Limadha li'anna ash-shahr al-arabi, il ne dépasse pas 30 jours. On ne peut pas attendre via Dalhal. Automatiquement, la journée d'après, ça sera Ramadan. Qala, hafidhahu Allah ta'ala, لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر تسعة وعشرون يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ومعنى فاقدروا له أي أتموا شهر شعبان ثلاثين يوما. Donc la, le doute ça sera le 30e. Il y en a le mois, ça peut être 29 jours ou 30 jours. Enfin, le 30e c'est d'aiman le doute. Si on n'a pas vu le Hilal pour mauvais temps ou autre, on termine Sha'ban 30, thumma, après le 30, c'est forcément le mois de Ramadan. Qala, atimmu shahr Sha'ban 30 yawman lima thabata fi hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, fa in ghumma alaykum fa'uddu 30. Na'am. Et a hadith ukhra fi hadha al-bab. Donc, on a trois méthodes. إما الرؤية إما خبر العدل المسلم إما إكمال العدة. Ça sortira jamais de ces trois cas. إما on a vu le Hilal, إما on est informé. Si on n'a pas vu, on n'est pas informé et on est le 29, on finit Sha'ban 30. La base c'est qu'on n'a pas vu. Et pour jeûner, il faut avoir vu. Donc on continue. كذلك لأن c'est possible que le mois de Sha'ban il soit 30 jours. Et vu qu'on n'a pas vu le Hilal, c'est ça, al-Asr. Donc on finit les 30 jours. Thumma, quand le 30e jour il est fini, la première nuit, c'est la nuit de Ramadan. Qu'on a vu le Hilal, amla, même si cette nuit on n'a pas vu le Hilal, c'est forcément le mois de Ramadan. Et on fait le siyam fi hada al-hal. Cheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, lahu kalam, nafis, et il ressemble à kalam Cheikh al-Fawzan, la'alla Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, stafada min Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, رحمة الله عليه. بقي مسألة مهمة وهي أن يحصل كثيرا الخلاف في هذا، أي إذا تقدمت دولة على أخرى. فسي أن بي يدكلار avoir vu الهلال، est-ce qu'on fait الصيام معهم أم لا. قبل هذا pour compléter cette mas'ala muhimma, et les méthodes pour connaître l'entrée du mois de Ramadan, et Cheikh Fawzan en a cité trois, on les répète, ru'yatul hilal, avoir vu le croissant de lune, ash-shahada ala ru'ya, être informé, un muslim adl, il a vu et témoigne, et la troisième, ikmal al-idda 30. Et si on n'a pas vu, on finit le mois de Sha'ban 30 jours. Amma al-hisab, les calendriers, ce n'est pas une méthode shar'iyya مقبولة لإثبات دخول شهر رمضان. Les calculs qui font bien avant et les calendriers مثلا des mois avant, des années avant, ils citent le début de mois de رمضان de telle année. فهذا c'est pas مقبول شرعا. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام إلى الشرح على عمدة الأحكام طيب مختصر طبع في مجلد أي لمفيد. قال في هذا الكتاب الذي يقول إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم. On n'a pas le droit d'employer ces calculs pour déterminer le début de الصيام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il nous a démontré comment faire. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. حديث ابن عمر que les frères ont lu رضي الله عنهما. كذلك on a lu le verset ensemble. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالله سبحانه وتعالى قال فمن شهد. إما il a vu, إما il a été informé. S'il n'a pas vu, il n'a pas été informé, النبي صلى الله عليه وسلم il nous a cité la troisième méthode. فلا تصوموا حتى تروا الهلال. ثم قال فإن غم عليكم. إن غم عليكم ça veut dire si il y a des nuages et vous ne pouvez pas voir le hilal, le ciel il n'est pas clair. قال فقدروا له. Finissez le mois de Sha'ban 30 jours et forcément ça sera Ramadan après. Donc il n'y a pas de place pour le hisab. Ils ont rejeté. Ils ont rejeté cette méthode pour déclarer que le mois de Ramadan il a commencé. L'alama Siddiq Hassan Khan rahmatullah alayhi fi al-Rawda al-Nadiyya naqala al-ittifaq que c'est une bid'a. Ça ne fait pas partie de notre din. On ne peut pas dire que le mois de Ramadan jeûner cette ibadah azima, on peut se baser sur les calculs. Abadan. Qala rahimahullah al-tawqid fi al-ayyam wa al-shuhur bil-hisab أي لمنازل القمر أو المنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة. C'est une bid'a. اتفاق الأمة. L'unanimité de la communauté. On n'a pas le droit de délaisser ما شرع الله سبحانه وتعالى pour utiliser ces calculs. Et ces calculs, في الحقيقة, c'est ça qui provoque le khilaf بين المسلمين. لأن البعض الآن, il se base que sur le calendrier. Même si tu lui dis, j'ai vu le hilal, j'ai vu le croissant de lune, et demain on doit jeûner, il te dit, lakin, ils ont dit que le Ramadan, Ramadan c'était après-demain dans le calendrier, il a akhir. Hada smin al-jahl. Wa illa fal ulama ankaru hadhihi at-tariqa kama sami't al-ittifaq anna hada smin al-bid'a. Et fil haqiqa, même si on revient aux méthodes mashru'a que les ulama ils ont cité, il y a un khilaf bayna al-umma. Et certains vont jeûner tel jour, certains vont jeûner un jour après, certains vont se baser sur tel hadith. Al-khilaf, il est ma'rouf inda ahli al-ilm. Ça ne doit pas nous pousser à même si on n'a pas le même avis, ça ne doit pas pousser l'umma à se diviser, à se détester, à se critiquer sur ce point-là. Ça fait longtemps qu'il y a cette divergence. Alhamdulillah, al-muslim, il fait des efforts pour comprendre cette mas'ala et il applique le qawl pour lui, c'est le haq. Alhamdulillah. Et si son frère il a choisi un autre qawl, فالأمر il est واسع, il est سهل. On cite al-khilaf. Vous avez compris la mas'ala. On la répète. إذا رأى أهل بلدة الهلال. مثلا, en Égypte, ils ont vu le hilal cette nuit. فهل يلزم بقية البلدان الصوم. Est-ce que tous les autres pays doivent faire siyam amla? Et ça arrive souvent, hada, chaque année. Et en haqiqa, on se répète, lakin c'est muhim, hada al-khilaf il est qadim. Donc ça ne doit pas nous pousser à critiquer ba'd an-nas wa sami'tum hada, chaque année ils disent al-umma ne s'est jamais rassemblée, on est toujours divisé. Ça c'est à cause de l'ignorance. Li'anna c'est pas que dans ce sujet que la umma elle diverge dans des, bien sûr, dans des points de fiqh. Wal amr la yadhur, ça fait pas de mal fil haqiqa. Celui qui jeûne aujourd'hui, le matin tel pays commence aujourd'hui et un autre demain, il n'y a aucun mal. Et tu trouves al-ba'd, il y a des choses, des divergences dans l'aqida, et ça ne les touche pas presque, s'ils connaissent la mas'ala. Faroubama ba'dhoum, ils trouvent des excuses au rawafid, ou des excuses à sauvi, à dhullal, ou à l'shirk, ou à l'bida'. Et pour eux, ils disent, faut se rassembler, c'est pas grave. Alors que c'est très grave dans ce point. Et tu les trouves dans ce genre de masa'il. On n'a pas jeûné le même jour. فَكَأَنَّ حَصَلْ مَا أَدْرِي. Là, l'ulama, il cite cette masa'ala. Et l'amr, il est seul, dit-on. Et celui qui revient à kalam ahl al-ilm, فَالْحَقِيقَ, c'est pas grave. C'est pas une divergence qui fait du mal. أَبَدًا. On résume. On avait détaillé قَلِيلًا فِي شَرْح عَمْدَةِ الْأَحْكَامِ. وَهُنَا, on résume هذا البحث. Cette recherche, on la résume. Al-ulama ikhtalafu. Plusieurs avis. On cite trois avis. C'est les trois avis. Les trois avis, on a les plus importants. Al-qawl al-awwal, annahu yalzam baqiyatu al-buldan as-sawm. Le premier avis, anna si un muslim, il a vu al-hilal, il a vu le croissant de lune, fa yalzam al-jami'. Tout le monde doit jeûner. Si tel pays, ils ont vu le hilal, tous les autres pays doivent suivre. لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا خطاب لجميع الأمة. صوموا, c'est tous les musulmans. C'est pas un pays qui jeûne et les autres qui jeûnent pas. هذا دليل قوي في هذه المسألة. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار. وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين. Donc Cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour tout le monde. Soumou li ru'yatihi. Et jeûnez quand vous l'avez vu. Ça veut dire que si Wahad l'a vu et il nous informe, tout le monde doit jeûner. Hada al-qawl al-awwal. Wa huwa qawl al-jumhur. La plupart des savants, ils ont choisi ce qawl. Wa minhum al-a'immatu al-arba'a. L'imam Malik, ou l'imam Shafi'i, ou l'imam Ahmed, ou l'imam Abu Hanifa, alayhim rahmatullahi jami'an. Wa min al-mu'asirin, les contemporains qu'ils ont choisi ce qawl, الإمام الألباني والإمام عبد العزيز بن باز عليهم رحمة الله. القول الثاني دوزيام قول أنه يلزم بقية البلدان التي تتوافق مع البلدة أي ceux qui l'ont vu التي رأته في مطالع الهلال أي si c'est un bilad qui est proche في هذا الحال ils suivent. Si c'est un bilad qui est loin, ما أدري كما يتخدوز مطالع الهلال ففي هذا الحال لا يلزم. وهذا القول كذلك اختاره بعض أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ العثيمين رحمة الله عليه لا شوزي هذا القول وكذلك الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. ايزون لمن دليل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فبور سي tu n'es pas proche de ce bilal, tu n'as pas le même matla, avec le hilal, tu ne l'as pas vu. Tu ne peux pas l'avoir vu. Le bilal, il est loin. On donne un exemple, l'Indonésie et le Maroc, c'est vraiment deux pays lointains. Il est vraiment dans le Mashriq et dans le Maghreb. Ils n'ont pas le même matla. Si l'Indonésie l'ont vu, ou le Maroc, l'Aix, ça ne veut pas dire que l'autre pays, il l'a vu. Il est ba'id, ils n'ont pas le même matla. Les ulama, ils disent là. Ils ne jeûnent pas tant qu'ils ne l'ont pas vu eux-mêmes. Troisième qawl. Anna al-nas, fi hadha al-hal, tab'un lil-imam al-a'zam. Fa'idha sama wa amara ahl baladihi bis-siyam samu. Troisième qawl, anna chaque pays, il suit son gouverneur. Si, مثلاً, tel pays, ils ont dit que demain c'est le siyam, ahlu hadha al-balad, les musulmans de ce pays, ils jeûnent avec le gouverneur et tout le pays jeûne ensemble. Hadha al-qawl al-thalith. Wa istadallu bi hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون رواه الإمام الترمذي رحمة الله عليه. الصوم يوم تصومون أي le jeûne c'est le jour où vous jeûnez. بعض أهل العلم ils ont compris من هذا الحديث أن si tel musulman il jeûne dans ce pays il doit jeûner avec ses frères, il ne doit pas se diviser et jeûner seul. Chacun il jeûne avec المسلمون de son بلد. هذا قول كذلك عليه بعض أهل العلم. والراجح والله أعلم هو القول الأول. L'avis le plus juste c'est le premier قول. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a ordonné à tout le monde de jeûner. والنبي صلى الله عليه وسلم il était appuyé par le وحي. والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. فإلى révélé au prophète صلى الله عليه وسلم هذا et c'est valable jusqu'à يوم القيامة. Donc الحكم c'est le même. À l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم il a يومنا هذا أن si un pays jeûne tout le monde doit jeûner. C'est ça القول الصحيح. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كما في خطاب صدر منه جوابا لسؤال عام 83,300. Ils ont posé cette question à Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, sur la divergence qui arrive toujours au début de Ramadan. فَقَالَ لَا رَيْبَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَمَرَ أُمَّتَهُ أَنْ تَصُومْ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ. Il n'y a aucun doute à ça. Et on est tous d'accord, en fait. Si vous remarquez le premier qawl, ils ont dit on jeûne quand on voit l'hilal. Le deuxième qawl, كذلك. Il y a le deuxième qawl, ils ont dit on n'est pas tous sur le même axe. Tel pays il est fait le Mashriq, tel pays il est fait le Maghreb, il y a des pays à l'est, des pays à l'ouest, donc on ne peut pas tous voir le Hilal en même temps. Donc tu le vois quand tu l'as vu. Oh, un musulman de ta région, il l'a. C'est le même qawl. Lakin, est-ce qu'on prend en compte hada am la? Il est là le khilaf. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن تصوم لرؤية الهلال وتفطر لرؤيته وهكذا جاءت الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم نعم في الصحيحين وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ça c'est le dalil du troisième قول et ceux qui disent chacun suit son pays son gouverneur الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه هو il utilise ce hadith pour le premier qawl. As-sawm yawma tasawmun. Et si un pays l'a fait, tout le monde jeûne. C'est les mêmes adillah, lakin la compréhension de Ahl al-Ilm, elle diverge. C'est pour ça qu'on a dit que cette divergence, elle ne fait aucun mal. L'essentiel, c'est que tout le monde veut le haq et tout le monde suit adillah. Thumma, des divergences à cause de la compréhension, ça arrive. Qala fa'idha thabata ru'yat al-hilal. رؤية شرعية في بلد ما وجب على بقية البلاد العمل بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته لم يقصد أهل المدينة فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صوموا لرؤيته ils étaient في المدينة est-ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم quand il a dit صوموا لرؤيته il visait que أهل المدينة أبدا il visait tous les musulmans qui étaient في المدينة ou autres Et là, chacun, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans, aktharuhum, ils étaient fi al-Madina, fi al-Jazira, proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, après l'expansion de l'islam, intashara al-islam, en haqiqa, c'est le même hukm. Qala, amma al-matali' fa la shak fi ikhtilafiha fi nafsiha. Ça, il faut bien comprendre. Dans le qawl al-thani qui disent ikhtilaf al-matali', hada, c'est sahih. Il n'y a aucun doute. Que, mathalan, au Maroc, on n'a pas vu le hilal. Et en Indonésie, ils l'ont vu. Ça arrive, il y en a, on n'est pas au même endroit. كذلك, la nuit, elle n'arrive pas au même moment. فَرُبَّمَا هَاوْلَا Ils ont vu et nous, on n'a pas vu. C'est normal. لكن, est-ce que c'est pris en compte هنا, في الحكم, il est là, الخلاف. Cheikh Abdel Aziz, رحمه الله عليه, يقول, هذا, ça change rien au حكم. لأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم, c'est pour tout le monde. قال, أما المطالع فلا شك في اختلافها في نفسها أما اعتبارها من حيث الحكم فهو محل اختلاف بين العلماء Est-ce qu'on les prend en compte avec cette divergence entre tel pays et tel pays tellement qu'ils sont loin il y a une divergence entre les savants et on a cité les trois avis والذي يظهر لي أن اختلافها لا يؤثر وأن الواجب هو العمل برؤية الهلال صوما وإفطارا وتضحية Cheikh Abdel Aziz, il a choisi le qawl l'awwal, si un pays il a vu Al-Hilal, tous les autres pays doivent suivre. Que ce soit fait Ramadan, pour jeûner, que ce soit pour l'Eid, aïe, Shawwal, et كذلك, que ce soit pour Al-Udhiya, aïe, pour Al-Eid, Eid Al-Adha. كذلك, le début du Hajj. وهذا هو القول الأول والله تعالى القول الصحيح الأول والله تعالى أعلم. تنبيه une remarque هنا importante قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كما في موقعه فإذا اعتمد أهل البلد أو حكومة البلد على علمائها أي إذا اعتمدت فلتو أو إذا اعتمد أهل البلد نعم على علمائها ومحكمتها ورأت المحكمة والعلماء أنهم يصومون في يوم غير اليوم الذي صامت المملكة أو غير المملكة فالعمد على ما رأته المحكمة في بلدك والعلماء في بلدك شيخ عبد العزيز رحمة الله عليه لسا موضح الحكمة والفقه والعلم إلى شوازي القول الأول et pour lui c'est le حق لكن il y a beaucoup de divergences في هذا الباب donc si tu es dans un pays et ton pays مثلا Il choisit de faire siyam le lendemain, pas le jour où tel pays l'a vu. Mathalan, l'Égypte, ils disent que c'est demain siyam, et Nahnou ici, ils disent que c'est après-demain. Imma, ils n'ont pas vu le hilal, imma, autre. Al-Muhim, ils décident de ne pas jeûner demain. Cheikh Abdel Aziz, rahmatullah alayhi, yaqul, tu suis ton balad. Pourtant, le qawl al-sawab, c'est de jeûner avec le pays qui a vu. Lakin, al-ulama, rahmatullah alayhi, ils regardent à beaucoup de choses quand ils font une fatwa. Est-ce qu'il y a une mafsada? Est-ce que ça va pousser à la divergence? أن الخلاف في هذا الباب il est واسع كما سمعت. Et vous avez remarqué que tous les aqwal ils ont le même dalil, fa al-haqiqa. Ils ont tous le même dalil, mais la compréhension, fa fi hadha al-hal, pour éviter un mal plus grand, c'est pas كل واحد il choisit un qawl. Et مثلاً أنا je fais le siyam aujourd'hui, واحد il fait demain, واحد il est fiché, ça pousse à la division, wa al-awam yatakallamun. Fa al-haqiqa, il y a une mafsada, il y a un mal. Il y a un mal à cause de cette division. لماذا لأن الناس الآن يكون pas مثل هذه المسائل. فسي pour ça que Cheikh Abdelaziz رحمة الله عليه il a fait cette fatwa. قال والعلماء في بلدك ولا تشق العصا. أي ne soit pas cause de division. قال السائل celui qui a posé la question à Cheikh Abdelaziz يقول إذن على كل مسلم أن يوافق بلده في الصوم والإفطار. Le questionneur, il dit à Cheikh Abdelaziz bin Baz, donc chaque musulman, il doit jeûner avec son bilad, et faire le Eid avec son bilad, et suivre son pays, le pays où que t'es. Qala, al-Sheikh na'am, hatta la yatanazi'u ala al-hukouma fil balad, an ta'tani bil amr. Nasihatun tayyiba. Cheikh Abdelaziz, قال, na'am, pas besoin de se diviser, kullu wahid, il suit son pays, il a conseillé les gouverneurs de chaque pays de faire des efforts fi hadha al-bab et de bien rechercher al-hilal. Cheikh al-Albani nafs al-shay rahmatullah alayh. Il a choisi le qawl al-awwal. C'est quoi le qawl al-awwal? عندما احسن, si un pays commence le jeûne demain, tout le monde doit suivre. Cheikh al-Albani كذلك, il a choisi هذا القول. لكن قال كما في تمام المنة وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك أي على القول الأول. الشيخ الألباني رحمه الله عليه dit tant que tous les pays ils suivent pas le premier قول, أي le premier qui voit tout le monde le suit. قال فأنا أرى على الشعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه. الشيخ الألباني رحمه الله عليه قال tant que les gens ils ont pas compris هذه الأقوال, كل واحد يجن avec son pays حتى on se divise pas كذلك dans le même pays. Il y en a un, la divergence c'est là entre les pays, tel pays jeûne aujourd'hui, tel pays demain. هذا ça arrive souvent. لكن si toi tu jeûnes avec un autre pays, les pays sont déjà en divergence et كذلك nous le même pays on va diverger et c'est pas une solution في الحقيقة. هذه النصائح طيبة. قال الشيخ الألباني فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد. أي الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال أن dans le même pays tu trouveras واحد يجن aujourd'hui un autre demain ربما dans la même famille. لأن si toi tu as choisi ce قول et maintenant tes parents ils choisissent ils suivent le pays, tu vas probablement manger aujourd'hui et eux ils font siyam, ou l'axe. Et vous avez remarqué que l'awam donne beaucoup d'importance à ces masaïl. S'ils voient واحد, ou ya'lamouna anna واحد, il fait pas siyam avec eux, probablement yattahimouna. Et ils vont dire, là ils ont amené un nouveau din, les gens ils font siyam, ils disent que c'est pas aujourd'hui. Alors que pour eux c'est aujourd'hui, le pays, le gouverneur, il a dit c'est aujourd'hui. C'est important. Wallahu ta'ala a'lam. الشيخ ابن عثيمين كذلك إلى شوازيك القول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه القول الثاني ما هو نعم القول باختلاف المطالع هو إلى شوازيك القول رحمة الله عليه لكن قال عمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بالصوم أو فطر وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال هذا القول أي que chacun suit son gouverneur, son pays, c'est un قول قوي من الناحية الاجتماعية أي pour ne pas se diviser. الخلاصة de ce cours أن الصيام أي التوقيت اليومي أي tous les jours pendant le mois de Ramadan, la durée du jeûne الإمساك c'est من طلوع الفجر الثاني jusqu'au Maghrib. Et on a dit, on détaillera, Inch'Allah, ces deux moments quand on étudiera ensemble Al-Masa'il fi Sahur wa fi Iftar. Bi'idnillahi Azza wa Jalla. Thumma, on a vu, Al-Siyam, ça commence au mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, il y a trois méthodes pour savoir est-ce que ce mois il a commencé. Ru'yatul hilal, avoir vu le croissant lunaire. Ash-shahadatu ala ru'ya, le témoignage. Wahid min al-muslimin adl, mukallaf, il a vu et il informe tout le monde. Et la troisième méthode, ikmalul idda. On n'a pas vu le hilal, on finit Sha'ban 30 jours. Il y en a le mois, c'est soit 29, soit 30. Enfin, si on ne l'a pas vu après le 29, on finit 30. Et après le 30, ça sera forcément le mois de Ramadan. Et les ulama, ils ont divergé. Est-ce que le témoignage de Wahid, c'est pour tout le monde, ou le premier qui a vu, tout le monde doit suivre, ou c'est par rapport à tel pays, ou il faut suivre le gouverneur. Trois qawl. Certains savants, ils ont dit, si un pays est jeune, tout le monde doit suivre. Et deuxième qawl, c'est par rapport à l'emplacement du pays. Les pays ne sont pas tous pareils fi hada. Et le troisième qawl, anna chaque pays il fait as-siyam avec son gouverneur. Hada illam yajtami'u, bien sûr. Amma si ils sont tous wallahi alhamd d'accord et ils jeûnent le premier jour et ils suivent le premier kabir, fa alhamdulillah. Et stafadna nahnu, tant que al-ulama, ou plutôt tant que l'umma, ils sont en divergence fi hada, et chaque pays est choisi imma le premier jour imma le deuxième jour pour jeûner. فالأفضل كما نصح الإمام ابن باز رحمة الله عليه وكذلك الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا c'est de chacun suit son pays ولله الحمد والمنة هذا نكتفي بهذا القدر والحمد لله